Aussi, nous allons commencer demain après-midi. Vous connaissez le thème du campus, mise à part pour. Donc, il y a une conséquence qui est octuple du fait que nous sommes mis à part pour le Seigneur, et c'est ce que nous allons voir ensemble. Et nous commençons lundi avec mis à part pour la gloire de Dieu. Et nous terminons vendredi avec mis à part pour sanctifier Dieu. Au fait, c'est presque un pléonasme, c'est mis à part pour mettre à part Dieu dans nos vies. Et tout le reste se tient entre ces deux-là. Différentes mises à part. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais faire parce que j'ai encore une nuit pour préparer les 8 messages. Hein. Donc, ça va. Non, je rigole. Ils sont faits il y a déjà pas mal de temps. Ils sont juste en révision. Ma femme, elle est en train de les regarder parce que mon français, c'est nul. Donc, mais aujourd'hui, c'est un autre sujet. Et c'est dans la série de Dieu, de connaître Dieu, connaître qui il est. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés au Consolateur. Consolateur qui est un autre nom pour le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous regardez WeChat, mais j'ai eu ces jours-ci un échange sur WeChat concernant le Saint-Esprit, justement. Il y a quelqu'un qui a rencontré des témoins de Jéhovah et qui, dans cette conversation, a découvert un peu de bizarreries qu'ils ont en tant que doctrine quant à la nature de Jésus-Christ, la divinité du Christ, mais aussi du Saint-Esprit. Et quant au Saint-Esprit, ils pensent que c'est juste la puissance active de Dieu, c'est-à-dire c'est un peu comme le courant qui rend active les néons qui puissent produire la lumière, quelque chose qui est impersonnel. Mais dans les textes que nous allons voir, nous comprenons très vite que le Saint-Esprit ne peut être une puissance active de Dieu, simplement quelque chose d'impersonnel, mais qu'il est une personne. Et en tant que tel, il a des effets dans nos vies et qu'il veut agir d'une façon conséquente et logique dans nos vies, logique par rapport à l'œuvre que Christ il a commencé dans nos vies. Et c'est ce que nous allons voir. Cette série, donc on a choisi le mot consolateur. Bien sûr, on pourrait parler de l'Esprit Saint sur beaucoup d'aspects différents. Cela pourrait prendre toute une série de 8 messages au moins et on n'aurait pas épuisé le sujet du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on va se cantonner justement à cet aspect qui est le consolateur et qu'est-ce que cela veut dire aussi dans nos vies. Voilà. On va commencer avec une affirmation. Cette affirmation est d'un certain William. C'était mot texto. Dieu est auprès de nous chaque jour. Bien. Mais comment l'est-il donc? Mais à travers son Esprit Saint, où est-il? Qui habite en nous. Que fait-il? Il nous guide et il nous conseille dans toutes nos décisions. C'est quand même assez énorme comme proposition. C'est quelque chose qui, je trouve, est assez extraordinaire. D'avoir quelqu'un qui habite en nous, qui nous guide et qui nous conseille dans toutes les décisions. Qui est-ce qui pourrait faire cela si ce n'est Dieu lui-même? Et effectivement, dans un des textes que nous allons lire, le Seigneur dit qu'il ne nous laissera pas orphelins, il nous enverra son Esprit, le Consolateur, pour qu'il habite en nous. Ça veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes jamais dépourvus de moyens. Certes, vous comme moi, vous vous êtes senti perdu parfois. Peut-être que vous êtes arrivé à une espèce de croisement de chemin et vous vous demandiez, mais que vais-je faire maintenant? Cela n'arrive pas seulement une fois dans la vie, mais cela arrive souvent dans la vie. Cela arrive même plusieurs fois. Moi, je pensais quand j'étais jeune, comme certains d'entre vous, hein, parce que fut un temps, je n'avais que 20 ans, et je me suis dit, mais que vais-je faire de ma vie? Et je me suis dit que oui, c'est à cet âge-là que c'est normal qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on va faire de sa vie? Quel chemin prendre? Avec qui se marier? Ainsi de suite. Beaucoup de ces questions-là. Maintenant, je suis avec qui je suis marié, hein. Donc là, il n'y a plus de problème. Cette question ne s'est jamais posée depuis que je me suis marié avec Anne le 31 mai 1986. Mais bien d'autres choses sont revenues. Et pas plus tard qu'il y a un mois de cela. Du coup, je me suis dit, mais où est-ce que je vais maintenant? Je me suis senti un peu perdu. Et pourtant, j'ai servi le Seigneur depuis 35 ans, j'ai 55 ans, je devrais savoir. Non, je ne sais pas, je suis un homme. Et les perspectives que j'ai sont tellement limitées. Et je me suis dit, mais mince alors, où est-ce que je vais aller? Mais le Saint-Esprit est là, et à travers des circonstances et à travers les frères, eh bien, il m'a encore éclairé ma lanterne pour que je sache quoi faire. Une de ces décisions a été de demeurer avec vous encore l'année prochaine. De rester là et vous accompagner, de marcher avec vous une année de plus. C'était une question que je me suis posée. Faut-il le faire? Que vont-ils encore faire avec ce vieux-là? Il n'est pas temps peut-être de passer à autre chose. Et non. Et je crois que c'est le Saint-Esprit qui a guidé cette décision-là à travers les frères avec qui je parlais et à travers la conviction que j'ai eue aussi dans mon cœur. Le Seigneur, il est là. Il n'est pas loin de nous. Nous ne sommes pas dépourvus de moyens. Moi, je dis toujours, Seigneur, quand moi je ne vois rien, toi tu vois clair. Quand je ne sais où aller, toi tu le sais. Quand moi je ne sais rien, toi tu sais tout. Et tu me renseignes par ton Saint-Esprit qui habite en nous. C'est pour cela que même parfois je peux me sentir perdu, je ne suis pas inquiet. C'est toute la différence. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous apprend quant au caractère de Dieu? Bon, je pense que déjà, si on l'appelle le consolateur, c'est quand même autre chose que le dictateur. Il y a quand même une sacrée différence, n'est-ce pas, entre dictateur et consolateur. Bien que le Saint-Esprit peut nous dicter le chemin et nous montrer le chemin et même nous pousser dans un chemin particulier pour que nous accomplissions la volonté de Dieu, ce n'est pas d'une façon hitlérienne ou stalinienne. Il nous attise, il nous travaille parce qu'il nous a dit, c'est lui qui met en vous le vouloir et le faire. C'est-à-dire, le Seigneur travaille nos cœurs, notre volonté par son Saint-Esprit afin que sa bonne volonté soit faite. Et ainsi, nous sommes portés dans le courant pour faire ce que Dieu veut et nous le faisons de gaieté du cœur parce que nous savons que c'est lui qui nous commande, marche avec nous jusqu'au bout. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous apprend sur le caractère de Dieu? Eh bien, déjà l'omniprésence. Vous savez, il est en Suède, il est en France, il est même au milieu de nous aujourd'hui. Comme je dis, nous ne sommes jamais dépourvus de moyens, nous ne sommes pas seuls. Il y a ce magnifique psaume 139 qui dit ceci, « Où pourrais-je aller loin de ton esprit ?» Ce n'est pas que le psalmiste a le désir de partir quelque part où le Saint-Esprit ne serait pas. Ce n'est pas du tout cela. C'est une question plutôt rhétorique. Et la réponse que son cœur apporte, apporte aussi la consolation. Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Et si je descends au séjour de mort, te voilà. Si j'emprunte les ailes de l'aube et que j'aille demeurer aux confins de la mer, là aussi ta main dirigera, ton bras droit me tiendra. Donc, Dieu, il est présent partout. Je ne dis pas en tout. Je dis Dieu est présent partout. Parce que le panthéisme et beaucoup de religions de naturelles en Afrique, par exemple, on dit que tout est animé, que Dieu est en tout. Il est dans les arbres, il est dans les pierres, il est dans le bosquet sacré. Moi, j'ai vécu dans une forêt sacrée au Togo. Et dans ce forêt sacré, il y a des lieux de culte spécifiques qui sont particulièrement sacrés chez les Naoudéba. Et là, il ne faut pas entrer si on n'est pas Naoudéba, parce que c'est particulièrement sacré. Parce qu'il y a des esprits, que tout est animé par Dieu. Donc, je ne dis pas en tout, mais partout. Si Dieu est en quelque chose, il est en nous, dans nos cœurs, régénéré par la parfaite sacrifice de Jésus-Christ à la croix, qui a fait de nous ses enfants et que l'Esprit-Saint est en nous. Donc, s'il est partout, nous ne pouvons aller nulle part. Nous ne pouvons rien faire sans que lui, il soit là. Il sait, il connaît ce que nous faisons. Avant que je me lève, ben tu me connais. La parole de Dieu nous dit qu'il connaît tout en nous. Et ça, bien sûr, cela peut être vraiment, ça nous donner le frisson d'espèce de Big Brother qui est là, on nous surveille, et blan, nous donner un coup si on marche mal. Si c'était le cas, moi je pense qu'on serait tous alignés ce soir, ce matin. Parce qu'il n'y a pas homme qui ne pêche point. Mais le Saint-Esprit nous guide sur le sentier de la justice à cause du nom de Christ. Et nous ramène constamment sur son chemin. Parce qu'il est à côté de nous. Il est omniprésent. D'ailleurs, l'omniprésence, c'est ce qu'on appelle un des attributs incommunicables de Dieu. C'est-à-dire quelque chose qui caractérise Dieu, qui est propre à Dieu lui-même, qu'il ne partage pas avec autres, parce que nous ne pouvons pas être omniprésents. Nous ne sommes qu'un lieu à la fois. Mais le Seigneur, il est partout. Donc, comme je dis, il est omniprésent et il ne nous laissera pas orphelins. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, je prierai le Père, qui vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité, il demeure avec vous et je ne vous laisserai pas orphelins. Il est important de voir ici un autre consolateur. Parce que cela veut dire que Jésus en était le premier. Jésus en était le premier. Et lui, il a apporté la consolation à ceux qui étaient pécheurs, liés par les puissances des ténèbres. Il nous a dit dans Actes 1, 10, 38 que Jésus, il allait des lieux en lieu faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'esclavage du diable. Et c'est ce qu'il continue à faire. Comment ? Mais par l'autre consolateur, le Saint-Esprit. L'esprit de vérité qui nous dit la vérité sur nous, parce que c'est lui qui nous convainc du péché, de justice et de jugement. Il nous convainc de ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est juste, et nous amène à la repentance. Il demeure en nous. Et c'est pour cela que cette œuvre de nous conduire sur le sentier de la justice, il le fait constamment dans nos vies. Et il ne nous laisse pas dévier loin de la vérité. Il nous ramènera constamment. Parce que justement, il ne nous laissera pas orphelins. Dieu n'a pas des orphelins. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il y a un refrain qui revient constamment. Il est dit au peuple d'Israël de prendre soin d'eux, l'étranger, la veuve et l'orphelin. Ce sont des gens à qui Dieu il a un intérêt particulier. Et ici, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. C'est-à-dire qu'il a un regard particulier à ceux qui sont orphelins de leur Père céleste et il veut les amener afin qu'ils puissent dire, je ne suis plus orphelin, je suis enfant de Dieu. Et je fais partie de la famille de Dieu. Il est partout pour le faire, dans toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les langues, parce que c'est de là qu'il veut amener des hommes et des femmes à lui. Et le Saint-Esprit, c'est le Dieu de toute consolation. Il est donc dit qu'il est le consolateur. Je dis que c'est très différent du dictateur. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, de l'esclavage, pour que vous soyez dans la crainte. Il y a beaucoup de choses dans le monde qui peuvent nous faire peur, qui peuvent nous arrêter, qui peuvent nous lier, qui peuvent nous miner. Mais le Saint-Esprit, il est tout contraire. Il dit, je ne veux pas que vous soyez dans la crainte. Les hommes ont peur de beaucoup de choses aujourd'hui. Les hommes ont peur du lendemain. Et c'est vrai qu'il y a bien des choses qui peuvent nous donner du souci pour le lendemain. Sur le plan, je dirais, non pas microscopique, mais personnel, comme le plan macroscopique. On avait une jeune fille suédoise qui est venue au Parlement parler de choses qui peuvent faire peur au niveau macroscopique, hein. Greta Thunberg. C'est une fille qui a une forme d'autisme, hein. Asperger. Hein. Enfin, on ne parle plus d'Asperger, hein, mais une forme d'autisme. Et elle est devenue une égérie pour lever la conscience par rapport au réchauffement climatique. Ces genres de choses font peur, sauf à ceux qui font l'autruche et mettent la tête dans le sable et qui pensent que non, il n'y a rien qui se passera, c'est que du blabla. Moi, je ne participe jamais dans ces discours-là, donc je ne prends pas position aujourd'hui parce que je prêche la parole de Dieu, non pas le climat. Mais n'empêche qu'il y a des choses qui peuvent faire peur. Il y a des choses qui peuvent faire peur dans nos vies, il y a des choses qui peuvent nous inquiéter au niveau mondial. Le Seigneur dit que nous n'avons pas reçu un esprit qui nous lie dans la crainte, mais qui nous libère de crainte. Un esprit d'adoption. C'est le Saint-Esprit qui est la marque de l'enfant de Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit, personne ne peut dire que Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. N'importe quel âne peut dire que Christ est Seigneur, c'est vrai. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il est chrétien. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que le dire, le croire et le vivre, si ce n'est par l'aide de l'Esprit et de l'adoption avec lequel nous crions « Abba Père » parce que le Saint-Esprit dans nos cœurs nous rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est vrai que parfois on peut avoir des doutes. Et qui n'a jamais été vos proies de doutes? C'est normal pour l'homme de douter. C'est son état, je dirais, tout à fait normal. Mais le Seigneur, il est là pour nous fortifier et nous dire, tu es mon enfant, en éclairant aussi la parole de Dieu dans nos vies. Mais c'est aussi la confiance, c'est le soutien à l'intérieur de nos cœurs, c'est l'Esprit qui nous souffle dans nos oreilles, dans nos cœurs, tu es mon enfant. Dans le fond, ce n'est pas si compliqué que cela. Vous savez que j'ai une petite fille. Ça, personne n'ignore, la petite Louise. Je ne suis pas certain qu'elle sait encore que je suis son papy, mais moi, je suis certain que je le suis. Et chaque fois que je la tiens, moi, je lui dis, je t'aime, tu es ma petite fille, tu es mon amour, tu es ma chérie. Je le prends dans mes bras et je le dis une fois après une fois, ça peut être 10 fois, 20 fois par jour. Ça, c'est un papa ou un papy. Je vois mon frère papa aussi avec sa fille. Hein. c'est formidable. Nous voulons rassurer nos enfants. Alors, à combien plus forte raison le Père Céleste ne rassurerait-il pas ses enfants par justement le Saint-Esprit qui dit « Tu es mon enfant ». Tu es mon enfant. Et quand l'adversaire veut venir nous dire le contraire, le Saint-Esprit dit, ne crains pas, tu es mon chéri, tu es mon enfant, tu es ma fille, je t'aime. Et j'ai prouvé mon amour envers toi lorsque tu étais encore pécheur, parce que c'est là que je suis mort pour toi, afin que tu deviennes mon enfant. Et plaise à Dieu que le Saint-Esprit puisse nous interpeller et nous parler. aujourd'hui pour nous rassurer de ce que nous sommes les enfants de Dieu. Pas un esprit de crainte pour que nous soyons dans l'esclavage, mais un esprit d'adoption. De toute consolation, béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Et qui ensuite se continue, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes objets, nous pouvons aussi consoler les autres. Si vous continuez à lire, hein, les versets 4 et 5. Le Saint-Esprit, il veut donc nous consoler dans toutes les circonstances, nous rassurer, nous consoler, nous affermir, nous conduire. C'est pour cela qu'effectivement, on peut considérer assez clairement que cela ne peut être l'électricité. Cela ne peut être une force quelconque. Cela ne peut être que Dieu lui-même qui vient nous parler de la sorte. Cela ne peut être que le Père Céleste qui envoie son esprit en nous. C'est pour cela que nous avons beaucoup mieux en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui qu'en n'a jamais eu Israël. Au temps d'Israël, le Saint-Esprit n'était pas répandu sur toute la chair. Dieu était avec son peuple, mais ici, aujourd'hui, Dieu est dans son peuple et dans le cœur de ses enfants par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Parce que Jésus-Christ, il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que si je ne m'en irai pas, le Saint-Esprit ne viendrait pas. Et quand il sera venu, eh bien, il vous conduira dans toute la vérité. Cela doit être, ça a dû être des paroles assez étonnantes pour les disciples qui avaient été avec Jésus pendant des années, enfin au moins trois. Et Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Comment est-ce que cela peut être avantageux? Ben, c'est parce que moi j'ai été avec vous, Dieu avec nous, Emmanuel, mais quand moi je m'en vais, le Saint-Esprit sera en vous et vous conduira dans toute vérité. Donc c'est encore plus fort, et c'est plus large, c'est plus grand, c'est plus grandiose. Il est le Dieu de toute consolation. Je ne sais pas de quoi est-ce que toi tu as besoin d'être consolé aujourd'hui. Dans quel domaine tu as besoin d'avoir une rencontre avec Dieu? Sache que Dieu, il ne vient pas comme un juge. Il ne vient pas comme un dictateur. Il ne vient pas pour t'écraser si tu es déjà couché. Il vient comme un consolateur. Il dit, viens mon enfant. Je te prends par la main. La parole de Dieu nous dit ceci, le chemin d'un tel homme plaît à l'Éternel, même s'il tombe, il ne reste pas terrassé, car l'Éternel le prend par la main. Psaume 37, je crois. Aujourd'hui, il veut te prendre par la main. Il veut te consoler. Il veut te serrer contre son cœur. Et dit, mon enfant, ma fille, mon fils, oui, tu t'es trompé. Oui, tu as fait un mauvais choix. Oui, je sais que tu as péché, mais viens, viens, je te prends, je te conduis sur le chemin de la vérité. C'est aujourd'hui qu'il veut le faire, par son Saint-Esprit. Tant de fois il l'a fait pour moi, m'a conduit, m'a rassuré. Et pourquoi il ne faudrait pas qu'il le fasse dans ta vie aujourd'hui? La prière, c'est « Viens, Saint-Esprit, viens. » Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Qu'est-ce que cela signifie et quelles conséquences pour nos vies? Ben évidemment, c'est qu'il nous guide, nous console, il est là pour nous rassurer, mais il y a plus encore. Il nous enseigne dans notre vie quotidienne en nous aidant à comprendre la parole de Dieu. J'ai dû avoir 16 ans, peut-être. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis mis à la tête de lire l'Apocalypse, de toutes les choses dans la Bible. J'avais une petite Bible Gédéon que j'avais eue au collège. Et je me suis mis à la tête de lire l'Apocalypse. Franchement, je vous promets, je n'ai rien compris du tout. Et encore aujourd'hui, quand je lis l'Apocalypse, je ne comprends rien. Non, ce n'est pas vrai. Non, mais je n'ai rien compris. c'est pas simplement que je n'avais rien compris. C'était plus encore, c'était comme si c'était un livre fermé. Ça ne me parle pas. Bon, maintenant, vous lui dites, mais t'es complètement taré, t'as choisi l'Apocalypse, évidemment que tu comprends rien. Certes, mais c'est quand même la parole de Dieu que j'y crois ou pas. Et, mais c'était comme sec. Il y avait là rien. Et je ne sais pas combien de temps après cela, Dieu est venu me chercher, parce que ce n'est pas nous qui cherchons Dieu. Nous n'avons pas la conscience, ni l'idée, ni la volonté de le chercher. Mais Dieu nous cherche. Il est venu me trouver, j'avais 17 ans. Il a révélé par le Saint-Esprit, justement, mon péché. En même temps, la justice, que Christ il est ressuscité et qu'il est à la droite de Dieu et qu'il plaide pour moi. Il a transformé ma vie et le Saint-Esprit est venu prendre place dans mon cœur. Et vous savez, ensuite, quand j'ai ouvert la Bible, c'est comme si un voile s'est levé de mes yeux et que ce qui me semble être complètement incompréhensible et sec comme un livre quelconque, j'aurais pu aussi bien lire, je ne sais pas, Les Misérables de Victor Hugo, eh bien, que je n'ai jamais lu d'ailleurs, la Bible s'est ouverte. Ça commençait à me parler, m'interpeller. C'était comme une lumière qui était là. Qu'est-ce qui est changé? Le Saint-Esprit est venu dans mon cœur. Le Saint-Esprit est celui qui a inspiré la parole. Et c'est le Saint-Esprit qui nous fait comprendre la parole. Mais le Consolateur Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et rappellera tout ce que je vous ai dit. Si on avait été une église un peu plus liturgique comme cathos ou comme les protestants, la prière que a faite juste avant que je monte sur l'estrade qu'a faite William, où il a demandé la grâce de Dieu pour moi pour la prédication, on appelle ça la prière d'illumination. C'est une prière où nous invoquons le Saint-Esprit pour qu'il vienne éclairer la parole afin que nous comprenions ce qui est le but que le Seigneur a par sa parole. Parce que vous savez quoi? Lorsque nous prêchons, nous avons un but, une pensée, mais Dieu, il peut aller bien au-delà de nos propres mots et nous toucher parce que son Saint-Esprit est actif. Et que ce soit le Saint-Esprit qui éclaire. Et c'est cette prière d'illumination que nous pouvons faire aussi lorsque nous lisons la parole de Dieu. C'est Seigneur, toi qui a inspiré cette parole par ton esprit, illumine l'écriture et ouvre mes yeux afin que je puisse la comprendre. Aussi simple que cela, c'est-à-dire, viens, Saint-Esprit, accompagne-moi dans ta parole. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Toute la vérité, cette vérité, toute cette vérité est contenue dans la Bible. C'est cette vérité dont il agit. Il ne concernait pas la vérité de brontosaures et leur existence sur la terre et ce qu'ils ont foutu ici. C'est la vérité centrale, c'est la parole de Dieu, c'est ça que le Saint-Esprit veut nous faire comprendre. C'est pour cela qu'effectivement, il y a une interaction étroite entre la Bible et l'Esprit-Saint. Vous savez, il y a plein de gens qui étudient la Bible, mais qui ne reçoivent absolument rien parce qu'ils étaient dans mon état. Non régénéré, c'est un livre. Mais lorsque le Saint-Esprit vient à nous, ce livre qui est la parole de Dieu devient la parole de Dieu vivante aussi dans ma vie. Donc, il nous éclaire, nous conduit, nous enseigne. Nous aide à saisir la parole, la rendant vivante dans nos vies. Deuxième, c'est qu'il nous sanctifie. C'est-à-dire, nous qui sommes mis à part, parce que sanctifié et mis à part, c'est un peu la même chose, hein, eh bien, nous qui sommes mis à part, nous sommes entraînés dans cet état de grandir en Christ, parce que la sanctification, ce n'est rien d'autre que grandir à la stature parfaite de Christ, c'est de lui ressembler. Il est dit ceci, on va pas lire tous les versets, mais on a tous été débauchés, idolâtres, adultères, ainsi de suite. Et Paul, il dit, c'est là que vous étiez, quelques-uns. Voilà ce qu'on avait dans l'église de Corinthe. Il y avait des homosexuels, des outrageurs, des ravisseurs, des voleurs, des cupides, des ivrognes. Il y avait des gens de toutes sortes dans cette église-là. C'est là que vous étiez quelques-uns autrefois. Mais vous avez été lavés par le sang de Christ. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur et par l'Esprit de notre Dieu. Comment est-ce que cela se passe? Eh bien, le Seigneur dit, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il viendra et vous enseignera tout ce que je vous ai dit. Il ne parlera de lui-même, il le prendra de moi et il vous l'enseignera. C'est tout dans Jean 14, Jean 16. C'est-à-dire, il vient nous rappeler l'œuvre de Christ et il vient former le caractère de Christ dans nos vies. Nous sommes complètement incapables de le faire par nous-mêmes, car nous sommes en même temps pécheurs et justifiés. Ce dont nous sommes incapables, le Saint-Esprit fait en nous. Parce que ce qui est rendu impuissant à cause de la faiblesse de la chair, le Saint-Esprit nous l'a fait. Vous pouvez lire les premiers versets dans Romains 8. C'est pour cela qu'il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Christ. Parce que le Saint-Esprit nous a rendus libres. Et il fait cette œuvre de sanctification. Qu'est-ce que cette œuvre de sanctification? C'est que petit à petit, le caractère de Christ, par l'action du Saint-Esprit, par ses consolations, par ses soins au quotidien, par l'éclairage de la parole de Dieu, travaille en nous afin que nous ressemblons à celui qui nous a sauvés. La justice que nous avons, c'est la justice du Christ qui nous est imputée. La sanctification que nous avons, c'est la sainteté de Jésus qui nous est infusée. Il y a une différence au niveau du temps entre l'imputation qui est immédiate et l'infusion qui est une marche à travers toute notre vie. Mais cela se fait par l'action du Saint-Esprit. Il nous a dit ceci, or là où le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté. C'est une autre façon que Paul dit, pour dire, nous n'avons pas reçu un esprit de crainte pour encore rester dans l'esclavage, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. C'est-à-dire, on a la liberté en Christ d'aller en avant. De quoi nous sommes libérés? Mais nous sommes libérés de l'esclavage du péché et de la mort. Nous sommes libérés de nous-mêmes afin d'être conduits dans la volonté du Seigneur pour le glorifier. Il nous a dit, nous dont le visage découverte reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. C'est pour cela que nous avons besoin, par l'Esprit Saint, contempler l'image du Christ dans la parole afin que nous soyons semblables à lui. Et l'Église qui est semblable à Jésus-Christ, c'est une Église qui attire le regard du monde. Et enfin, il nous fait porter du fruit. Il nous console, il nous sanctifie et il nous fait porter du fruit. C'est lui qui travaille en nous pour que le fruit se produise dans nos vies. Parce que moi, je ne sais pas quel fruit bon je pourrais porter, moi, personnellement. Mais il est dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. J'ai mis l'amour, la fidélité, la maîtrise en soi en avant, parce que je vais revenir là-dessus, le slide suivant. Vous voyez que le fruit est au singulier, hein? Ok. On ne parle pas des fruits de l'esprit, on parle du fruit de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit. Il n'y a pas, l'amour n'est pas un fruit, c'est un aspect de la même chose. Cela ne veut pas dire que le Seigneur, il donne l'amour à l'un, la joie à l'autre et la paix à l'autre. Non, ces 9 aspects de l'esprit, c'est pour chacun d'entre nous. Et finalement, l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, en un mot, Jésus. En un mot, Jésus. C'est ce qu'il veut produire, c'est ça le caractère de Christ. Tu veux savoir qu'est-ce qu'est le caractère de Christ? Médite sur chacun de ces mots-là. Ça, c'est Christ. Tu veux voir un autre caractère de Christ? Ben, regarde 1 Corinthiens 13. Tout ce qui est dit concernant l'amour est accompli par Jésus. Parce que l'amour, c'est le premier, et après on va tout de suite à 1 Corinthiens 13, on va lire qu'est-ce qui est parlé de l'amour. Et c'est là qu'on dit, Seigneur, si tu ne viens pas m'aider avec ton esprit, c'est foutu. Et le Seigneur dit, eh ben, je suis en toi et avec toi et pour toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, un esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Ranimer. Ça veut dire que dans la vie de Timothée, à un moment donné, il y a comme un creux. Quelque chose, peut-être des soucis, peut-être des gens qui n'étaient pas très gentils avec pasteur Timothée dans l'église d'Éphèse. C'est fort possible. Peut-être aussi qu'il s'est senti affaibli parce qu'apparemment il avait quelques soucis du ventre. C'est pour cela qu'il fallait qu'il boive du vin. C'était pas une licence pour boire autant qu'on veut, c'était juste une prescription médicale. Un peu de vin en plus, il est dit, parce que l'eau n'était pas tellement propre, mais le vin en général était de meilleure qualité. Alors, peut-être qu'à un moment donné, il a relâché, mais Paul a dit « ranime la flamme », c'est-à-dire « reviens à Dieu, laisse-le travailler en toi ». Laisse l'être le consolateur dans ta vie. Laisse l'être celui qui te conduit pour manifester le caractère de Christ. Laisse-le être celui qui te remplit de force, d'amour et de sagesse. Laisse-le être aussi dans ta vie. Tu peux être dans le creux de la vague. Tu peux te sentir fatigué parce qu'il y a 1000 raisons pour cela. Et de toute façon, on a toujours raison, hein. Mais le Seigneur, il veut nous convaincre que nos raisons n'ont pas ses raisons et qu'à la fin, c'est quand même lui qui a raison. C'est un peu énervant, mais c'est souvent comme les vieux qui ont un peu plus d'expérience. Quand on est jeune, on ne veut pas trop les écouter. Un de mes responsables, quand j'étais jeune pasteur, à Nice, il s'appelait M. Lustre. Claude Corneille Lustre. Il disait des choses que j'avais du mal à accepter. Je lui dis, mais ce n'est pas possible. Comment est-ce qu'il peut dire des choses comme cela? Une de ces choses qu'il a dit, c'est par exemple que quelqu'un qui commence mal, c'est très difficile à le redresser par la suite au niveau du ministère. Quand ça commence avec le pied gauche, eh bien, c'est très difficile à le redresser. Je lui dis, mais ce n'est pas possible. Eh bien voilà, ce que j'ai vu moi-même. Quand ça commence mal, quand ça commence pas bien, en général, c'est fini mal. Peu importe ce que l'on fait, parce que peut-être justement ça finit mal parce que les gens n'est pas, la personne n'était pas vraiment appelée. Alors, on n'a pas envie d'écouter les vieux. C'est ennuyant. On veut faire nos expériences nous-mêmes. Et on comprend, de toute façon, quand j'avais 20 ans, j'avais toutes les réponses à toutes les questions. Tu pouvais me poser n'importe quoi, je connaissais tout, je savais tout. Aujourd'hui, il me pose une question, je ne sais plus rien. Je sais, Seigneur, que lui, au moins, il peut nous conduire, c'est tout ce que je sais. Le Père, lui, il sait. Et il nous enseigne par son Saint-Esprit. Nous faisons bien de l'écouter. Donc, il nous remplit de force, ça c'est notre dernier slide, nous remplit de force. Au-delà, on pourrait disserter pendant très longtemps. Mais je vais être très bref. là-dessus. Éphésiens chapitre 5 et le verset 18, qu'est-ce qu'il est marqué là-dessus? Vous le connaissez par cœur, bien sûr. 5, 18. Hein? Ne vous enivrez pas du vin, car c'est la débauche. Au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Hein? Il y a quelqu'un qui a trop bu hier soir? Pourquoi ça rigole? Ne vous enivrez pas du vin, car c'est la débauche. Ben souvent, ce sont les gens qui sont bourrés qui font des choses qu'ils regrettent au lendemain. Hein. Il y a plus d'une fille qui est tombée enceinte hein, étant bourrée. Hein. Non, pas toute seule, bien sûr. Je rigole pas. Au contraire, soyez remplis de Saint-Esprit. Est-ce que c'est le fait qu'il y a une fuite quelque part, qu'on met le Saint-Esprit là et que ça sort ailleurs? Non, ce n'est pas cela. Pensez à un voilier qui va faire le trajet entre Brest et New York. Ça n'a pas de moteur, ça de voile. À mon ami, à votre avis, combien de temps faut-il que le vent souffle dans le voile pour que le bateau puisse aller de Brest à New York? Combien de temps? La réponse est simple, non? Combien de temps faut-il que le vent souffle dans les voiles pour que le bateau aille de Brest à New York? Pardon? Ben oui, autant que dure le trajet. Mais oui, autant que dure le trajet, parce que du moment où le vent ne remplit pas les voiles, le bateau ne bouge pas. Et il en est ainsi de nos vies. La parole de Dieu nous dit dans le discours entre Jésus et Nicodème. Le vent souffle là où il veut et vous n'en connaissez pas le chemin. Il est aussi ainsi des enfants de Dieu, ceux qui sont remplis de l'Esprit. L'Esprit, c'est comme un vent et il veut remplir constamment les voiles de nos vies pour nous amener, non pas à New York, mais à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et combien de temps le Saint-Esprit a besoin de souffler dans le voile pour qu'on y parvienne? Jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Ça veut dire que l'injonction de Paul, soyez au contraire remplis, c'est constamment rempli, c'est hisser vos voiles, c'est ce que nous devons faire, c'est Seigneur, Saint-Esprit, viens. C'est la prière. Viens, Saint-Esprit, viens remplir les voiles de ma vie. Viens pour que j'ai le dynamisme, la force pour arriver jusqu'au bout. Parce que si tu ne souffles dans mes voiles, alors je ne pourrai avancer. Je ne pourrai avancer. Il nous remplit de la force, de la puissance pour nous amener jusqu'au bout. Il en est ainsi, dit Jésus, de tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. C'est cette force-là d'abord. La force pour arriver au bout. La force pour glorifier Christ. La force pour aussi agir au nom du Seigneur Jésus-Christ en tant que son témoin et ses témoignages accompagnés par des signes, des prodiges et des miracles au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on pourrait disserter là-dessus très longtemps. Mais je m'arrête juste dans ça. Est-ce qu'il y a du vent dans tes voiles aujourd'hui? Est-ce qu'il y a du vent dans tes voiles aujourd'hui? Cette force, ce vent, c'est l'Esprit Saint qui veut te souffler dessus. L'amour. Certains gens sont aimables, d'autres ne le sont pas, et la plupart du temps, ils ne le sont pas. Vous savez, moi je ne suis pas prône personnellement, naturellement à aimer. J'ai du mal à aimer. Dieu, il a travaillé dans mon cœur et vous avez été d'une façon collective un instrument de guérison de mon cœur. Parce que One Heart, c'est l'Église qui m'a redonné l'amour pour l'Église. Vous tous ensemble. C'est pour cela que vous êtes l'Église de mon cœur parmi toutes les églises que j'ai servies et que j'ai connues, One Heart a une place particulière parce que c'est une église que Dieu a servie pour me faire du bien, pour me rappeler par son Saint-Esprit l'amour. Il veut nous remplir de son amour. La sagesse et la maîtrise de soi, c'est-à-dire la sagesse, maîtrise de soi, c'est égocratéine, d'être maître de soi-même. Et la sagesse, c'est d'avoir un esprit saint, d'avoir un bon jugement. Le Seigneur peut nous éclairer aussi dans les circonstances par son Saint-Esprit. Et la fidélité. Seigneur Dieu, délivre-moi de la traîtrise de mon cœur infidèle. C'est une prière que j'ai faite plein de fois. Et c'est le Seigneur qui nous conduit par son esprit fidèle sur le bon chemin. Le Saint-Esprit nous console. Le Saint-Esprit nous aide à porter du fruit. Le Saint-Esprit, il travaille en nous pour la gloire du Seigneur. Notre premier slide, c'était, on y va arriver, la proposition que nous avons faite. Je pense que c'est tout à fait juste ce que nous avons dit tout au début. Dieu est avec nous, auprès de nous, chaque jour, à travers son Esprit qui habite en nous, qui nous guide et qui nous conseille dans toutes les décisions. Voilà ce que fait le Consolateur, voilà ce qu'il veut faire pour toi. Prions, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens dans nos vies. Viens me consoler. Viens me sanctifier. Viens m'aider à porter du fruit. Viens, Seigneur, me remplir de force, d'amour, de sagesse. Viens, Seigneur, pour que je puisse te glorifier de tout mon cœur, de tout mon être. Seigneur, merci de connaître nos cœurs, nos pensées. Merci de connaître nos vies. Seigneur, tu vois qui a besoin d'être consolé. Seigneur, tu vois qui a besoin d'être convaincu du péché, de justice et de jugement. Viens, Seigneur, parce que tu connais qui est-ce qui a besoin encore d'être remis sur le chemin de la sainteté. Viens, Seigneur, parce que tu sais qui a besoin de ta force pour porter du fruit. Viens, Seigneur, parce que tu sais qui a besoin d'être rempli de force pour arriver jusqu'au bout, pour être ton témoin, pour te glorifier dans ce monde. Viens, l'Esprit Saint au milieu de nous. Viens et souffle sur nous, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, viens, attire-nous à toi. Amen. Nous allons encore rester quelques instants dans la prière. Et il se peut qu'il y a quelque chose dans ce que je viens de dire ou que le Saint-Esprit t'a interpellé et que tu veux qu'on prie pour toi. J'aimerais prier pour toi. Peut-être que justement tu as besoin d'être consolé. Souvent, quand nous faisons de faux pas, on se rend compte qu'on est assez nul. Et le Saint-Esprit vient nous dire, non, tu n'es pas nul. Tu es ma fille, tu es mon fils bien-aimé, tu n'es pas nul. Ne dis pas que tu es nul. Certes, tu t'es trompé, mais tu n'es pas nul. Je suis avec toi, je suis en toi, je suis pour toi. Tu n'es pas nul. C'est vrai qu'il se peut que nous manquons de caractère de Christ et qu'il ne le manque pas. Christ seul est parfait. Nous avons besoin de lui pour porter du fruit. Mais je vais m'arrêter juste avec cela. Non, tu n'es pas nul. Le Saint-Esprit te dit, tu es bien-aimé. Je veux te consoler, je veux te serrer dans mes bras, je veux te soutenir, je veux te dire, tu es mon enfant. C'est ce que dit le Saint-Esprit à la gloire de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut qu'on prie pour toi? Tu peux lever ta main, on va prier particulièrement. Il est le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions. Dans toutes nos afflictions. Qu'importe, le Seigneur a vu. Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent qu'on prie pour toi? Quelque chose qui a interpellé, le Seigneur te connaît. Peu importe si Il y a quelque chose dans ce message aujourd'hui qui t'a interpellé. Lève ta main, on va prier. Dieu connaît ce que tu... C'est entre toi et le Seigneur, mais l'Église qui t'aime aussi va prier pour toi. L'Église qui t'aime va prier pour toi. Seigneur éternel. Seigneur, tu vois toutes ces personnes qui t'interpellent maintenant, qui te prient, qui ont besoin de ta grâce, qui ont besoin d'être aidées par toi. Seigneur, merci de ce que tu n'es pas loin d'entre nous. Tu ne nous as pas donné un esprit d'esclavage pour que nous soyons encore dans la servitude, un esprit de crainte, un esprit d'adoption par lequel nous disons « Abba Père ». Car ton esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et je te rends grâce de ce que tu affirmes maintenant dans le cœur de mes amis qui sont enfants de Dieu et qu'ils sont pardonnés et qu'ils sont restaurés, qu'ils sont bénis, qu'ils sont fortifiés, qu'ils sont sanctifiés, qu'ils sont justifiés, qu'ils sont glorifiés par ton esprit dans leur vie. Parce que ce que tu fais, merci Seigneur de les bénir. Au nom de Jésus. Amen.